gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Planète Indie numéro 360 aujourd'hui, en ce samedi 2 mai, lendemain de fête du travail. On va célébrer le travail aussi, parce que nous, c'est pas du travail. Hein. C'est de l'amusement qu'on est là pour vous faire découvrir pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles musiques. Il y aura évidemment plein de nouveaux groupes qu'on a encore jamais entendus sur cette antenne. Je peux vous en donner quelques-uns. Les Great Dictators, on écoutera Bright Garden, on écoutera Delrose. Six String Loaded aussi, c'est une nouveauté qu'on vient de recevoir. Mais là, on va commencer par un genre on ne voit pas souvent, de temps en temps, mais pourquoi pas, ça dépend un peu de l'humeur. Un peu de blues pour commencer cette émission numéro 360 de Planète Indie avec le Bresnan Blues Band, No Way to Get There From Here. Il n'y a aucun moyen d'aller d'ici à là-bas, c'est ce qui nous interprète. Le Bresnan Blues Band, et puis après on écoutera Blind Willies et Break Free. Et puis restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Find a way back to the light of day. way to get there from here. Children tug at my leg. Hunger rolls across their eyes as they beg. Cast off the bucket, for the well's gone full dry. Hang my weary head and cry. Ground beneath my feet, stained in heartache and despair. Like to find a way back to the light of day. Ain't no way to get there from here. But I married a boatman. No more green hills, only brackish water. I can barely talk. It brings me to tears. It brings me to tears. I see the crows flying west by nightfall. Me, I'm calling somebody's careless man. I see the young man dancing at the boardwalk. I'd like to join them, but I can barely stand. I'm gonna break free. I'm gonna break free. I'm gonna break free from this vicious man. I'm gonna break free. I'm gonna break free. I'm gonna break free from this heartless man, this vicious man. Better take that cigarette out from between his lips. I'll cover him in fire and then leave him. Been on my knees waiting for a better song, but it might never come. There are many chores at hand to keep me busy, but I don't have the strength. And I don't give a damn. I left a small town in Colorado, looking to marry a rich fool. But I got lost and I stumbled into the arms of a sweet talking man. All men are false, warned my mother. They tell you wicked, lovely lies, but I didn't bother listen to my mother. Now all I wanna do is run and hide, just run and hide. 'Cause I don't appreciate the man who lets his woman go to waste. Sleeping alone, slaving by day. I'm gonna break free. I'm gonna I'm gonna break free from this fisherman. Gonna break free. I'm gonna break free. I'm gonna break free from this heartless man, this vicious man. From Trio Hot, and you are listening to Planet Indie. Infinite merciful mother, look at what I've done. How quickly one thing leads to another. Once a thing's begun, I knew where my knife was before you could run. Oh, heart in the water. Water, I watch this spinning round and round. Water, into the dark, water, of the water, water, where it never will water, be found. Water, now I sing my song for no one, for no one can console me. Together, we knew how this would end. I swore I would love you forever. I was happy to pretend. You always warned me my temper would never be my friend. Oh, no. Spinning round and round, into the dark of the water, where it never will be found. Now I sing my song for no one, for no one can console me. Overhead, what good is lighting a candle when everything is said? There's not a thing I believe in without you in my bed. Oh, no, no, I threw your heart. Sing my song for no one, for no one can console me. you're in the water. Not to your heart. If you're in the water. To your heart in the water. If you're in the water. To your heart in the water. Heart in the water. Vraiment jusqu'à la dernière note, c'était Bill Gable, I Threw Your Heart. C'est extrait d'un très bel album qui s'appelle No Straight Line. La preuve que, eh bien, dans Planet Indie, on est vraiment éclectique, on va voyager dans tous les genres musicaux. On a commencé cette émission, je vous le rappelle, avec The Bresnan Blues Band, No Way to Get There From Here. Et puis entre les deux morceaux, Blind Willies, une autre nouveauté avec Break Free. On va se rapprocher un peu plus de notre cœur de métier, on va dire dans notre cœur de programmation, avec un extrait du nouvel album de Glenn Taylor, un album qui s'intitule Tear Into the Future. Et ben, on va vous proposer le morceau qui s'appelle de la même façon, Tear Into the Future, Glenn Taylor. Et après cela, on écoutera Six String Loaded, qui nous emmènera du côté de Memphis. Puis après cela, ce sera la découverte de notre album Powerplay pour aujourd'hui, mais ça, on en reparlera d'ici quelques minutes. Pour l'heure, Glenn Taylor, Tear Into the Future. Oh, I'm not quite sure what I've done, pray to what crime should I confess? Oh, I did admit my anger and oh my God, what a mess. Now I know a worried child only makes the ruined wine. So the more screwed up things are, the more they better be just fine. Let's tear into the future, but let's leave all those big buzzkills behind. We'll watch them walk on down the hall, all slow and tall, them killer knaves. All the fringes found, brought down by shadow breaths and willing slaves. A Christ himself would know he'd never talk back to a gun. We're all loaded up for murder, then some shocking thing we have done. But let's turn to the future, ain't it just how the wild, wild. Fine. bones and trigger fingers, and everything's just squeaky clean. Let's turn into the future. Well, I don't see a whole lot there for me. You'll never leave Memphis. you out, leave you to die. J'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce soir à l'instant dans vos oreilles. C'était le groupe Six String Loaded. On les écoutait avec le morceau intitulé Memphis, du côté du Tennessee. Voilà. Il est 17h26. Vous êtes à l'écoute de Planet Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et pour l'heure, eh bien, il est grand temps d'aller à la découverte de notre album Powerplay pour aujourd'hui. Et alors aujourd'hui est mis à l'honneur le groupe anglais Silver Spark avec un album qui s'intitule Flames Run Deep. Silver Spark, c'est un groupe de rock indépendant, bah oui, c'est un peu le principe de l'émission, mélodique et à la fois puissant. Ils ont commencé leur carrière en 2011 comme un duo. C'est le duo entre la chanteuse qui est d'origine du Pays de Galles, Carly Phillips, et puis à la guitare, c'était Matt Phillips, mais ils sont pas parents, hein. Et puis leur première chanson parlait des frustrations de la vie réelle, de leurs expériences. Et il parle notamment de la chanson de Thief, qui ça veut dire le voleur. C'est une balade qui emmène les auditeurs entre le désespoir, les peines de cœur, jusqu'à la rédemption et l'espoir pour finir. Ils ont sorti un premier EP promotionnel au tout début de leur carrière, et puis c'est un EP qui a été enregistré un peu n'importe comment dans un studio bricolé à la maison, voilà. Et puis comme ils ont eu pas mal de critiques positives, on va dire, eh bien, ils ont décidé de poursuivre leur carrière, et leur carrière se poursuit donc avec cet album Flames Run Deep, dont on a extrait, rien que pour vous, ce soir, un premier extrait qui s'appelle Before the Shadows Play. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. On les écoutera trois fois d'ici 18h30. Premier extrait donc, Before the Shadows Play. Powerplay. Powerplay. one, they say. Et probablement, il va bien finir par faire son apparition, le soleil. Hein. C'était à l'instant Naama Keïta et Sunrise. Et puis avant cela, Del Rose et Everything But You, tout sauf toi. On dirait une histoire d'amour qui se termine. 17h44, on est pile poil à la moitié de l'émission et en plus pile poil à la moitié de la programmation. Avant de continuer en musique, je voudrais vous parler deux petites secondes d'une manifestation qui va se tenir ce soir à Esch-sur-Alzette. Il s'agit de la Nuit de la Culture avec pas mal de places qui seront ouvertes et pas mal d'événements qui se tiendront. On pourra notamment aller voir les coulisses de la Rocale. Il y aura la Maison Mousset qui sera ouverte, la bibliothèque, la Culture Fabrique aussi un lieu de concert, le Musée de la Mine à Coqueril, le Conservatoire de Musique et bien d'autres places qui vous ouvriront leurs portes pour des spectacles, des concerts. Il y aura un peu de tout, ça commence aux environs de 17h, voilà, jusqu'à minuit ou 1h du matin. N'hésitez pas à aller sur le site de la ville de Esch, www.esch.lu. Tous les événements sont gratuits, il y a des navettes de bus qui vous permettront aussi de circuler entre les divers endroits. Donc aucune excuse pour rater ça. Et puis en parlant d'un samedi soir, eh bien, on va écouter Classic Silhouette, c'est de la musique un peu plus appropriée pour le samedi soir, avec The Siren Returns. En fait, The Siren Returns, c'est le titre de son album. Le morceau s'appelle Anymore. I don't wanna break your mind, but I should know it from you. c'était Classy Silhouette, extrait de son album intitulé The Siren Returns. C'était la plage d'ouverture. On écoutait Anymore. Retour sur notre album Power Play, le groupe anglais. Enfin, est-ce qu'on peut dire anglais parce qu'il y a une galloise, il y a un australien et puis il y a deux anglais, si je ne m'abuse. Le groupe Silver Spark, tant que j'y suis, avant de poursuivre, je vous donne l'adresse de leur site internet, c'est très simple, silverspark.co.uk, vous les trouvez aussi sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, enfin ils sont partout parce que, eh bien, ils aiment bien de communiquer avec leurs fans. Voilà, leur album s'appelle donc Flames Run Deep. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient commencé comme un duo. Et puis en 2013, donc je vous disais que c'était récent, mais c'est vraiment récent. En 2013, eh bien, ils se sont étendus puisqu'ils sont passés de 2 membres à 4 membres pour ajouter eh bien, une section rythmique à leur groupe. Et ils ont sorti donc cet album Flames Run Deep. C'est un peu difficile aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. La musique est difficile à catégoriser. Elle va parfois puiser dans le blues, dans le folk, le rock ou la pop, voire même le jazz. Leur album, eh bien, c'est plus. Il y a parfois des albums concept comme ça où toutes les chansons sont liées les unes aux autres et tout l'un dans l'autre raconte une histoire. Non, ici, ce sont vraiment 10 chansons complètement séparées les unes des autres et ces chansons racontent leurs différentes expériences et expérimentations au cours des 3 dernières années. Que dire de plus ? Je vous ai mis aussi sur la page Facebook un extrait d'un concert avec le morceau de Thief, le morceau dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, on va les écouter, hein, pourquoi pas. Second extrait, la plage d'ouverture de cet album. Le morceau s'appelle Dangerous Game. Je vous rappelle que c'est Silver Spark et que c'est notre Power Play aujourd'hui dans Planète Indie. Power Play. Power Play. Run for your life. l'instant, les guitares sont déchaînées. Hein. Les guitares de New Day in August, on les écoute avec le morceau Jane's Song. Et avant cela, c'était Next Rock Generation et Crowser. On poursuit avec le groupe Dream Alive, si vous le voulez bien. Dream Alive qui nous interprète We All Move On. Et après, ce sera une autre nouveauté avec les Bright Garden Sweet Life. Yeah. malheureusement on n'a pas le temps d'écouter le morceau dans son entièreté parce qu'il fait presque 7 minutes, il fait 6 minutes 34 exactement. Je vous rappelle le nom du groupe, c'est Bright Garden. Les morceaux Sweet Life, oui, la vie peut être douce parfois, c'est pas toujours le cas. Avant cela, le groupe Dream Alive, We All Move On. Et puis encore avant, c'était les guitares du groupe New Day in August. Et la chanson de Jane, Jane's Song. 18h11, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et puis nous serons rediffusés demain aux mêmes heures et sur les mêmes fréquences. Le podcast aussi de l'émission sera disponible sur notre site web dès ce soir, si tout va bien. Et puis on va retourner sur notre album Powerplay, hein. On a encore écouté que deux morceaux ce soir. Donc je vous rappelle, pour baisser un peu, hein. Je vous rappelle que le nom de notre groupe mis à l'honneur ce soir dans Planète Midi, c'est le groupe Silver Spark. Ils sont anglais, enfin ils sont à moitié anglais, ils sont gallois, australiens, enfin... Mais ils sont basés en Angleterre. L'album s'appelle Flames Run Deep. Je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie, pas une vidéo, mais un enregistrement live à l'O2 de Leicester du morceau The Thief. Ce morceau qu'on va écouter tout de suite. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous raconter sur leur vie, puisque c'est un groupe quand même assez jeune. Quoique ça fait quand même maintenant 5 ans qu'ils sont musiciens professionnels, donc ils en ont déjà vu de toutes les couleurs dans leur carrière. Ils citent notamment des combats, des amoureux transis, amoureux des musiciens, des gens qui montaient sur scène et qui prenaient le micro de la chanteuse pour chanter à sa place, ou voilà, une panne de courant et une alerte incendie en plein milieu de concert. Voilà, ce sont quelques expériences qui leur sont... ou des aventures qui leur sont arrivées au cours de leur carrière. Leur site internet, je vous rappelle, c'est www.silverspark, comme ça se prononce avec un K au bout, silverspark.co.uk. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi sur notre page. On a mis cette vidéo du morceau qu'on va écouter tout de suite, le morceau de Thief. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Power play. So numb, can barely sleep or breathe. Yeah, I go through the paces, but it gives no relief. Every day is a struggle, you left with half of me. Now I'm just a ghost, but baby, you are the thief. But even now, when I'm on the floor, a tiny part of me won't take this anymore. A tiny grain of hope is building up inside. Back to life, and I felt so numb, but now I see a brighter day. Though the tears still fall, I keep walking away. Every day gets easier, start to feel some relief. I'm no longer a ghost, but baby, you are the thief. Thank you. On va profiter de la musique planante du groupe canadien The Dee. Quelque part, c'est normal que ce soit de la musique planante puisque leur album s'appelle The Space Between Us. Bah oui, l'espace qui est entre nous. Je disais donc qu'on va profiter de leur musique planante pour passer en revue en vitesse la programmation de la Rocale. 30 du 4, bah oui, c'était avant-hier. C'est fini, c'était Selassou, je sais pas si vous y avez été. Aujourd'hui, dans le cadre de la fête de la culture, la nuit de la culture, eh bien, il y a les 24 heures Electro for Kids, les 24 heures Electronic Day aussi. C'est gratuit. Et puis, il y a les backstage à la Rocale, les visites guidées que vous pouvez aller faire là-bas. 6 mai, hommage à la musique de Paul Lebrun, qui est décédé il y a peu. 7 mai, Jaco Gardner. Ainsi, et non, pardon, ainsi. Le 8 mai, c'est le concert Rock Against Cancer. 9 mai, les Villagers. Le 11, Jonathan Jeremiah. Le 12, Sophie Hunger. Et puis le concert qui était prévu. Le 14 mai, le concert de Joe Wellboy, il est annulé. Le 14, eh bien, vous pourrez aller voir à la place Patrick Watson. Le 15, Rock Against Exclusion avec les frérots de La Vega notamment. Le 17, Foxygen. Le 20, Kev Adams. Le 21, Dr. Hirschhausen. Le 24, Paul Panzer. Le 26, Mike and the Mechanics. Bah oui, c'est pour ceux qui s'en souviennent. Le 1er juin, The Slow Show. Le 3 juin, le retour de Faceless. Bah, c'est des habitués parce qu'ils sont déjà venus une paire de fois. Le 4 juin, eBay. Et le 6 juin, date de notre prochaine émission d'ailleurs, le groupe At the Gates. Et puis il y aura aussi Dimitri Vegas and Like Mike dans le Main Hall. Et puis tant qu'on y est, le 10 juin, les Chemical Brothers. Allez, on poursuit en musique pour terminer la programmation de ce soir avec Geister. Et le morceau Over You. Tries and I can't think right. Can pay the price when the money's tight. So I stay in town while you're getting high. And I'm downtown in New York City. New York. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Feels like the movies, all I can do is pray for the ship. Sail me home with a mast made of steel and iron ore. Set my ship on course, going starboard. Ran to the mountains, flew to the east, sailed the ocean floor. Searching for treasure, searching for gold. All I could find was a rock made of ore, and it told me it's time. Goodbye, my lover. Goodbye, my sweetest romance. All the things we'll never share just drives me crazy. Goodbye, my lover. Next door, you gave me a potion to cure my heart, and I drank it in. Yes, I did. Fell to my knees and begged, oh please, don't give up on me now. I'm setting on. It's time. Goodbye, my lover. Goodbye, my lover. I'll see you in September when the leaves are changing colors on the wind. And will I still long to hold you? And will I still long for your touch? Goodbye, my lover. Goodbye, my sweetest romance. All the things we'll never share just drives me crazy. Goodbye, my lover. And here's to all the memories. The winds are changing currents on me. Voilà, le titre a tout dit, hein. Goodbye My Lover, on est vraiment dans les chansons pleines de bonne humeur aujourd'hui. C'était le groupe Sister Speak, avant cela Geister et Over You. On va se quitter avec un dernier morceau, un peu dans la même ambiance bluesy avec laquelle on a commencé cette émission. On va se quitter avec les Great Dictators, In the Name of the Father. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de cette émission. Je vous retrouve le 6 juin pour une nouvelle émission. D'ici là, cette émission-ci est rediffusée demain. Je vous rappelle entre 17h et 18h30 et puis vous aurez l'enregistrement sur le site de Planet Indie. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end et rendez-vous le 6 juin. A bientôt. I watched you grow and us grow apart and today was only a dream. I touched your heart. I left your brain. Will we ever, ever see each other again? Don't wait up for me. strong. Love hasn't lost, and oh, the drugs will sing.